Et c'est déjà la dernière semaine de cette deuxième saison de la méthode scientifique. Et pour amorcer notre départ en douceur, cap au large, où nous allons nous intéresser à ces mammifères revenus à la mer, ces immenses animaux qui ont frôlé l'extinction à force de pêche forcenée, les baleines. Comme souvent, le mot baleine n'est pas un taxon, mais regroupe différentes espèces d'une même famille de cétacés. Qu'en savons-nous? Comment les étudier? Comment les écouter? Comment les préserver? Quelle influence les comportements humains ont-ils sur leur survie? Cap au large donc, pour plonger en compagnie des reines-mères. Baleines, les reines-mères, c'est le sujet dont nous allons nous saisir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer donc les baleines, leur histoire, leur préservation, leur étude elle-même tout au long de cette heure, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Adam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bioacousticien, spécialiste des cétacés, professeur à Sorbonne Université, chercheur au sein de l'Institut d'Alembert, et vous avez co-dirigé avec Dorian Cazot l'ouvrage Cétacés, nouvelles connaissances issues de la recherche française. C'est aux éditions d'Irak. Et bonjour à vous, Jean-Luc Jung. Bonjour. Vous êtes enseignant, chercheur à l'Université de Brest, maître de conférences HDR, directeur du laboratoire Biogem pour biologie et génétique des mammifères marins. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, à force de vous le répéter, vous le savez maintenant, cette émission en direct sur les ondes de France Culture, et en même temps en parallèle, surtout pour voir des belles photos de baleines sur notre fil Twitter, en vous abonnant donc au compte @laméthodefc. Il n'y aura pas que des photos, il y aura des sons aussi, il y aura des études, bref, plein de choses comme tous les jours. Mais pour commencer, une question finalement assez simple, de quoi parle-t-on quand on parle de baleines? Je disais que c'était pas exactement un taxon, c'est quoi les baleines ça? De quels animaux on parle, Olivier Adam? 89 espèces de cétacés, une quinzaine de baleines. Alors en baleine, le mot français baleine, c'est pour les mysticètes, contrairement à, en anglais, whale, c'est à peu près tous les cétacés, mais pour, en français, baleine, c'est les mysticètes, donc c'est des cétacés à fanons, d'accord? Ils n'ont pas de dents, ils ont des fanons, et ce qui les caractérise principalement, c'est leur taille, c'est-à-dire grande taille, au-dessus de 10 mètres, à part pour leur petit rorqual peut-être, mais sinon le reste c'est au-dessus de 10 mètres. Et leur représentant le plus grand, c'est la baleine bleue, qui est le plus grand animal sur Terre, voire de l'univers. Parce que ça, oui, ça vous allez peut-être un peu mis en besogne, puisque tant qu'on n'a pas de preuve du contraire. Oui, voilà. Bon. Sur Terre, en tout cas, effectivement, la baleine bleue, vraisemblablement, à part deux sauropodes, je crois, on pense aujourd'hui qu'effectivement la baleine est quand même le plus grand animal que notre planète ait porté. Pour le moment, là aussi, jusqu'à preuve du contraire, oui, c'est Jean-Luc Jung. C'est l'idée qu'on en a. Hein. La plus petite des baleines fait à peu près, la baleine pygmée doit faire à peu près 6-7 mètres hein, de long. Puis les baleines, alors on a aussi des baleines à dents, dont on parlera peut-être pas aujourd'hui, qui font justement partie des ondotocètes, hein, avec une petite confusion dans le terme français, où les Anglais utilisent, alors sans l'accent, le terme de baleine whales, qui elle désigne exactement les mysticètes, et puis en français, baleine, alors c'est nos mysticètes, plus des baleines à dents, par exemple. Les baleines à dents, c'est les orques, les... Orques, dauphins, cachalots, voilà. Donc qui ont une stratégie totalement différente des mysticètes. Les mysticètes ont une technique de chasse et d'alimentation qui est totalement à part par rapport aux ontocètes. C'est plus plancton, krill, petits poissons. Et voilà, le gigantisme, peut-être on en parlera plus tard, mais en tous les cas, une technique d'alimentation qui font qu'elles sont énormes. Et les rorquals là-dedans, alors rorqual, rorqual. Il y a quatre familles de mysticètes et les rorquals, c'est une des quatre familles. Hein, avec huit. C'est peut-être la plus connue avec les espèces les plus emblématiques. Hein. C'est là qu'on va retrouver la baleine à bosse, le complexe de Braille, d'autres espèces. Qui sont dans les dom-toms d'ailleurs. On peut les retrouver à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Antilles, un peu partout. Oui, tout à fait. J'ai fait le compte avant de venir. Mm-hmm. Donc 14 espèces de baleines, de mysticètes hein, reconnues à ce jour. On pourra parler de la reconnaissance des espèces. On en parlera tout à l'heure. C'est 14 à ce jour. J'ai fait le compte, il y en a à peu près 11, j'en ai trouvé 11 dans le territoire français métropolitain et puis les dom-toms bien sûr. Il faut rappeler que la France est le deuxième pays en termes de surface océanique nationale, je crois. D'où le rôle majeur qu'elle a pour la conservation. Absolument, on en parlera tout à l'heure pour la conservation et pour l'étude. Un mot aussi en termes de phylogénétique, on en parlait autour de cette table vendredi dernier. Ce qui est intéressant, c'est que donc les cétacés dont font partie les baleines sont des mammifères, ce ne sont pas des poissons, et ce sont vraisemblablement des mammifères qui sont passés sur Terre et qui sont revenus à la mer, Jean-Luc Jung. Oui, c'est un retour secondaire. Donc les cétacés font partie d'un groupe qui, en fin de compte, n'a pas été défini il y a si longtemps que ça. C'est les cétartiodactyles, comme comme ordre. Et on regroupe donc les cétacés avec les ruminants, avec les hippopotames. Hein, c'est le cousin lointain, le plus proche, c'est l'hippopotame. Ouais. Tout à fait. Mais donc c'est le même groupe que les sangliers, les porcs. Voilà, ce groupe phylogénétique a été identifié et défini à peu près 10-15 ans sur la base de données moléculaires, de génétiques et puis sur la base de caractères hérités d'ancêtres communs. Donc on est sûr qu'on a un clade qui regroupe toutes ces espèces. Et on pense que le retour à la mer s'est fait il y a environ 50 millions d'années, Olivier Adam ? Progressivement. Parce que quand on voit ce qu'on nous raconte du Pachycetus, par exemple, qui était l'ancêtre des ancêtres, il ressemble plus à un gros loup avec quatre pattes, un museau, etc. Et quand on voit par exemple l'aspect morphologique des grandes baleines maintenant, on voit que ça a quand même pas mal évolué en 50 millions d'années. Quoi. Quels sont précisément les traits principaux qui les distinguent des poissons et qui font qu'ils appartiennent bel et bien définitivement à la famille des mammifères? Poumons, mise bas, allaitement, poils, température du corps. Voilà, et puis respirer, voilà. Et donc, c'est un peu les quatre grands thèmes qui distinguent les mammifères, quoi. Oui, ils partagent toutes les caractéristiques des mammifères. Hein, voilà. Donc, elles viennent à la surface pour respirer, et ça, elles sont obligées de le faire comme nous, on le ferait quand on est à la piscine. C'est ça. Ouais, sauf que leur temps sous l'eau est un peu plus important que celui des mammifères. Alors, on s'entraîne. Mais elle aussi, depuis un peu plus longtemps que nous, et donc on n'est pas loin maintenant. On va arriver à l'époque contemporaine. Je le disais dans cette introduction, les baleines ont quasiment, en tout cas certaines espèces, frôlé l'extinction. Certaines autres sont certainement d'ailleurs éteintes avant même peut-être qu'on ait pu les connaître, notamment à cause d'une surpêche intensive tout au long du XXe siècle, qui a vu disparaître jusqu'à 99,5% de certaines espèces, dont la baleine bleue, 99,5%. C'est la baleine bleue. Je parle évidemment sous votre contrôle. Écoutez cette archive INA du journal télévisé. On est en 1978. Au Japon, l'exploitation de la mer est traditionnelle. La baleine est son unique source d'huile et de matière grasse. Entre les deux guerres, la chasse bat tous les records. 38 navires-usines sillonnent les mers et les massacres sont à la mesure des investissements. On tue 50 000 bêtes par an. Résultat, en 50 ans, 1 200 000 baleines sont massacrées. Plus de la moitié de l'espèce. En 1945, la Commission baleinière internationale, qui regroupe 18 pays, tente de réglementer la profession. Elle interdit la chasse des espèces les plus menacées, la baleine bleue, la baleine franche, la baleine à bosse. Elle contingente chaque année le nombre des prises autorisées par pays. C'est le système des quotas. Mais tous les pays chasseurs ne sont pas membres de la Commission. Elle est noyautée par les industriels. On s'aperçoit que les quotas de répartition sont encore trop élevés. Malgré la crise, les navires qui vont à la casse ont eu encore trop, 22 000 bêtes par an. Et on s'attaque aux espèces de plus en plus petites, aux globicéphales et même aux dauphins. Et pourtant, les produits de substitution existent. La preuve, il y a longtemps que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ne chassent plus et n'achètent plus de produits baleiniers. Pour permettre à l'espèce de survivre, la France a demandé officiellement l'arrêt total de la chasse pendant 10 ans. Sans succès. Voilà, on est en 1978. Olivier Adam, vous me demandiez si ce reportage datait de cette année, de 2018, pourquoi ? Non, parce que l'Islande, par exemple, remet deux bateaux à l'eau la semaine dernière pour aller chasser du rorqual commun, donc à peu près 200 individus, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent, alors que c'est une pêche qui est interdite, il y a un moratoire international sur cette question-là. On sait que le Japon continue de chasser la baleine sous prétexte de scientifique, alors que ça a été démontré au moins depuis 10 ans qu'il n'y a aucun travaux scientifiques qui sont issus de ces prélèvements, donc et on ne comprend pas pourquoi, ils se trompent de siècle, ces gens-là se trompent de siècle. D'ailleurs, le ministre en Islande, enfin l'administration islandaise a dit qu'ils allaient mener une enquête justement pour savoir quel est l'effet de cette chasse sur le tourisme, parce qu'en fait, il y a plus d'argent à se faire sur des cétacés vivants et en bonne santé qui viennent proche des côtes pour dans le cadre d'un tourisme vert, bleu, écologique, plutôt que d'envoyer quelqu'un qui va tuer des cétacés dont on sait que c'est interdit. Cette loi internationale de 1966, elle a tout de même eu un effet sur la diminution, même si ça n'est pas évidemment parfait partout, comme on vient de l'entendre, comme vient de le dire Olivier Adam, sur le nombre d'individus, on peut le constater, ou est-ce que c'est encore très sujet à caution? Quand on voit par exemple la baleine bleue, bleue antarctique par exemple, d'accord, qui était décimée à plus de 99%, ils ont arrêté la chasse parce qu'ils la trouvaient plus, parce que l'océan Austral était trop grand et que ça coûtait trop d'argent pour aller la chasser. Donc c'est vraiment des questions économiques, et les questions économiques, si on veut y répondre par les autres questions économique, c'est qu'il faut mettre en perspective qu'est-ce que rapporte une baleine vivante, et une baleine vivante rapporte du whale watching, et le whale watching marche très bien au niveau économique, c'est ça qu'il faut faire. Whale watching pour observation de baleines. Jean-Luc Jung. Et on voit, oui, en effet, on voit des effets positifs. Hein. C'est clair que les baleines à bosse, par exemple, les baleines à bosse ont vu leur abondance s'accroître depuis dans les 10 ou 20 dernières années. Et il y a plusieurs endroits dans le monde où les populations de baleines à bosse sont très rassurantes. Il y a d'autres endroits où c'est plus préoccupant. On pourra en parler. On va revenir sur la conservation. Aujourd'hui, ces prélèvements, alors on appelle ça prélèvement chasse, comme vous le voulez, du Japon ou de l'Islande, ils sont quantifiés. On sait aujourd'hui combien le Japon prélève d'individus. Oui, ils sont quantifiés, ils sont obligés de le quantifier parce qu'en fait, ils vont le déclarer. D'accord, ils vont déclarer tous leurs prélèvements. Et ça va servir à la nourriture, c'est-à-dire ça va servir comme alimentation, alors qu'on sait qu'en fait, il y a de moins en moins de gens qui mangent de les baleines, c'est de moins en moins culturel, on va dire. Et en plus, il y a des polluants qui sont dans la viande, donc c'est pas forcément une très bonne idée de le faire. Je voudrais simplement rajouter qu'en fait, il y a un gros problème au niveau international sur ces chasses et sur ces prélèvements qui peuvent être dits, entre guillemets, accidentels par les pêcheries industrielles. En France, par exemple, on a 800 dauphins qui sont capturés par les pêches françaises et espagnoles par an, ce qui représente quand même quelque chose de significatif. Qui sont capturés, vous voulez dire volontairement ou involontairement? Par des filets. Par des filets, bon, oui, après, d'accord. Ouais. On va revenir hein, de toute façon parce qu'il y a évidemment ensuite aussi un nombre de problèmes qui sont liés aux activités humaines comme le réchauffement climatique, la pollution plastique. On a trouvé des baleines échouées, intoxiquées par des sacs plastiques et par des polluants plastiques. On y reviendra tout à l'heure à la fin de cette émission. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 7h10 sur France Culture, nous parlons donc des baleines tout au long de cette heure en compagnie d'Olivier Adam et de Jean-Luc Jung. On va parler d'abord de l'étude des baleines, parce que c'est pas simple d'étudier une population ou en tout cas des populations des espèces qui sont non seulement peu nombreuses, puisqu'elles ont, comme on vient de l'entendre, été décimées, et qui sont pour beaucoup, pour un certain nombre en tout cas, pélagiques, alors même si elles remontent à la surface. Aujourd'hui, quelles sont les différentes méthodes d'étude des baleines, Olivier Adam? Alors, effectivement, c'est assez compliqué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on va faire deux groupes de cétacés, ceux qui sont plutôt en surface et ceux qui sont en profondeur. Et actuellement, c'est très compliqué de ceux qui descendent très bas, très profond, parce qu'on a en gros comme moyen de les observer des tags qu'on leur pose sur le dos. Des balises, notamment des balises Argos. Voilà, qui enregistrent la température, la pression, enfin différentes informations qui nous décrivent ce qu'ils sont en train de faire à très grande profondeur, parce que nous, on ne peut pas les suivre physiquement ou même dans un sous-marin, on ne descend pas aussi bas. Donc c'est compliqué. Quand on veut comprendre ce que fait d'un point de vue comportemental un animal, il suffit de le suivre. Si vous avez envie de comprendre votre chien, vous le suivez pendant 15 jours et après vous avez une description un peu globale de sa personnalité, de son comportement ou en tout cas de ses intérêts. Pour les cétacés, c'est ce qu'on veut faire, mais ça reste délicat du fait qu'on les perd de vue assez facilement et on a du mal à les suivre. Alors pour les cétacés qui sont en surface ou qui sont résidents proches des côtes, comme des ors par exemple ou des baleines à bosse, etc., c'est un petit peu plus facile parce qu'on a accès aux côtes de façon logistique un peu facilement. Par contre, pour d'autres qui sont un peu plus pélagiques, comme les baleines bleues par exemple ou autres, c'est un peu plus compliqué. Il faut développer des moyens différents. On en a quatre à l'heure actuelle qui sont les observations visuelles, c'est-à-dire qu'on va en mer, on prend des jumelles ou même simplement des yeux quand on a une bonne vue. Et puis quand il fait beau, quand il pleut pas, des jumelles et des yeux, ça marche aussi bien. Quand il pleut pas, quand il fait pas nuit, quand on n'a pas envie de vomir parce que la mer est trop forte, bon, on voit les cétacés, on peut les recenser, le nombre, leur comportement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est important parce qu'on peut individualiser le cétacé à partir des marques qu'il a sur le corps. Donc, du coup, on a des fiches. On reconnaît les individus. Ça, c'est juste génial parce qu'en plus, on peut les suivre, du coup, d'un point A à un point B uniquement avec les marques qu'ils ont sur le corps. La deuxième méthode, c'est l'acoustique parce qu'ils sont vocalement actifs. Donc, il suffit de mettre un hydrophone. Un hydrophone, c'est un micro qu'on met sous l'eau. Et là, on va les enregistrer à distance. Donc, on va savoir qu'ils sont présents. Alors, on n'en est pas encore en train de reconnaître. Sur l'acoustique, je vous arrête parce que ça va être notre reportage qu'on va diffuser dans quelques minutes. Donc, on va avoir le temps de parler de l'acoustique. C'est votre métier par ailleurs. Donc, okay. Pas de problème. Alors la génétique, parce qu'avec la génétique, on va pouvoir avoir des informations sur l'ADN, mais aussi sur la population. Déjà, est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Parce que certaines espèces, c'est compliqué. Le dimorphisme n'est pas extrêmement important. Donc de la surface, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Mais en plus, on peut avoir une information sur la filiation ou l'ouverture génétique de la population, dont on sait que si elles sont fermées, elles sont à risque. Jean-Luc Jung, c'est vrai que quand on identifie aujourd'hui pour le génétique, on y reviendra aussi parce que c'est ce sur quoi vous travaillez entre autres sur l'identification génétique. On va voir que c'est compliqué parce que qui dit identification génétique dit nécessité de prélèvement ADN. Or prélever de l'ADN, c'est pas simple. Il y a une étude récente qu'on évoquera tout à l'heure qui est de prélever de l'ADN de la mère et de faire de la métagénomique. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'on pense connaître, avoir identifié toutes les espèces de baleines, Jean-Luc Jung? Donc non, clairement, on sait qu'on les a pas toutes identifiées. On dit 89 aujourd'hui, hein, c'est cela. De cétacés, oui. De cétacés. Un ou deux près, 14 espèces de baleines. Alors, il y a un comité, vous pouvez trouver sur Internet, il y a un comité que portent nos collègues américains, qui étudie tous les cas proposés de nouvelles espèces. Alors, tous les ans, on voit apparaître des études qui révèlent, surtout qui mettent en évidence ce qu'on appelle des espèces cryptiques. Alors, la notion d'espèces cryptiques, c'est souvent des animaux qu'on connaît, qu'on a vus, qu'on range dans une catégorie, c'est-à-dire dans une espèce, et qui en réalité n'y appartiennent pas. Et on s'en rend compte, par exemple, en faisant de la génétique. Alors c'est comme ça qu'on a, il y a deux ans, on a eu la chance de participer dans le Pacifique Nord à une étude menée par des collègues américains de la NOAA sur des baleines à dents, hein, cette fois-ci. Des bérardies, et où on savait historiquement, c'était les chasseurs, c'était les livres de bord des chasseurs qui répertoriaient l'existence de deux formes dans la même espèce. Qui était un peu différente, et donc en allant travailler la génétique, en travaillant l'anatomie, c'est-à-dire en prenant des mesures précises de morceaux de crâne qu'on avait pu trouver, on a pu mettre en évidence le fait qu'il y avait là certainement une nouvelle espèce. L'avantage de ce comité américain, c'est qu'ils sont jamais d'accord. Alors par exemple sur la baleine à bosse, combien y a de sous-population de baleine à bosse? Alors pour la baleine à bosse, ouais, il y a clairement trois sous-espèces qui sont reconnues comme sous-espèces. Il y en a une quatrième qui va certainement être reconnue dans les prochains temps, qui est une population très très spéciale, non migrante et en fort danger. Avec à peine une centaine d'individus, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça, qui est dans le nord de l'océan Indien, qui ne migre plus. Et donc sinon les trois sous-espèces, celles-là sont clairement acceptées. La question c'est, elles sont clairement sur une voie, sur des trajectoires évolutives différentes, ces trois sous-espèces. Est-ce qu'on les reconnaîtra comme espèces un jour? Différentes ou pas, voilà j'imagine que oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Jean-Luc Jung, en résumé, des grandes caractéristiques communes des baleines, c'est-à-dire ce qui vraiment est commun à tout l'ensemble du groupe des mysticètes? Alors c'est toute leur adaptation, le retour au milieu marin, donc des techniques de chasse un peu généralistes. C'est-à-dire qu'elles vont avaler de grandes quantités de nourriture, plutôt que justement les ondotocètes qui eux vont cibler des chasses précises. La dimension, le corps qui devient de plus en plus grand. Maturité tardive aussi, cycle reproductif très long. Voilà, tout devient grand. Longévité plus importante. Voilà, on parle de 200 ans pour la 200 ans. 200 ans pour la baleine franche. Oui, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. On avait dit 80 à chaque fois parce qu'on savait pas trop. C'est mais ça. Là, priori, j'ai trouvé toujours 80-90 ans en moyenne. Voilà, mais non, il y a des individus qui pourraient vivre plus voilà. longtemps. Quand on met 80, c'est qu'on sait pas. Alors pour mieux savoir justement, vous l'avez évoqué Olivier Adam, outre les balises, on avait d'ailleurs consacré une émission entière justement à l'observation des espèces et des groupes d'animaux sauvages. On va vous mettre le lien vers cette émission qui était assez passionnante, d'une sorte d'atlas de la vie sauvage et des différentes méthodes de recension. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter. Mais outre donc ces balises ou cette observation in situ avec des yeux et des jumelles, ce qui est évidemment rendu compliqué par la diminution du nombre d'individus, eh bien il y a l'acoustique, puisque comme vous l'avez noté Olivier Adam, les baleines, eh bien le propre des baleines c'est de chanter. Bonjour Sarah Rijmans. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous n'avez pas chanté, mais vous êtes rendu à Brest pour écouter comment bien précisément on écoute les baleines. En effet, suite à la diminution des populations par la chasse à baleines, il est très difficile de faire de l'observation visuelle pour certaines espèces. Heureusement, les baleines émettent aussi des vocalises à partir desquelles on peut les étudier. Pour ce faire, des chercheurs de l'ENSTA et de l'Université de Bretagne occidentale ont créé l'observatoire Oasis Bio, qui consiste en un réseau d'hydrophones dans le sud-ouest de l'océan Indien. Et ces instruments sont déployés à environ 1 km de profondeur, dans une couche de l'eau où le son se propage sur de très longues distances. Et ces hydrophones, ils enregistrent de façon autonome pendant toute l'année, ce qui permet de détecter la présence des baleines dans cette zone au cours de leur migration. Pour comprendre comment on étudie les baleines à l'aide de l'acoustique passive, je suis allée rencontrer Flore Samaran, qui est enseignante-chercheur à l'ENSTA de Bretagne, et elle nous explique comment elle enregistre le paysage acoustique de l'océan et comment ces données sont ensuite analysées au laboratoire. Je travaille surtout sur des espèces de grandes baleines, donc les baleines bleues, qui sont peu nombreuses parce qu'elles ont été énormément chassées au cours du siècle dernier. Et c'est des animaux pélagiques, ça veut dire qu'ils vivent dans tout l'océan. Donc c'est très difficile de mettre en place des campagnes d'observation visuelle, donc la méthode classique pour étudier les mammifères marins. Donc c'est pour ça qu'on utilise une autre méthode, qui s'appelle la surveillance par acoustique passive. Ça veut dire qu'on va collecter de la donnée et puis analyser et essayer d'en retirer une information. La surveillance par acoustique passive, ça consiste à mettre un hydrophone à l'eau et enregistrer tous les bruits de l'océan. Et là où on a de la chance, c'est que les baleines, notamment les baleines bleues, elles vont émettre des sons caractéristiques de l'espèce ou de la population. Et ces sons sont de très basse fréquence et de très forte intensité, et donc ça se propage très loin. Donc avec un petit hydrophone qu'on met à l'eau quelque part dans l'océan Indien, on est capable de les écouter à peu près 200-300 km. Et on arrive comme ça à en savoir un peu plus sur quand est-ce qu'elles sont présentes. Des fois, sur certaines espèces, on est capable de dire aussi qu'est-ce qu'elles font, parce qu'elles émettent des signaux qui sont caractéristiques d'un comportement d'alimentation, des choses comme ça. Et est-ce que vous avez ici un exemple d'un hydrophone? Ouais. Donc un hydrophone, c'est tout simplement un micro sous-marin. On a enlevé le tube dans lequel est l'instrument. Donc ici, vous avez le capteur. Donc c'est un microphone étanche. Ici, vous avez tout ce qui est système d'acquisition, tout ce qui va être stockage des données dans un disque dur ici. Et puis ici, vous avez toute la carte d'acquisition. Et après, tout le reste, là, dans ces tubes-là, c'est des piles. Donc ce modèle-là, par exemple, il contient 68 piles. Si on enregistre avec un taux d'échantillonnage assez faible, donc là où on a par exemple nos signaux de baleine, eh ben on peut tenir un an en continu. Et donc ces hydrophones forment un réseau qui est donc placé partout dans l'océan ? Le réseau d'hydrophones sur lequel je travaille en collaboration avec l'Université de Bretagne Occidentale, il s'appelle Oasis Bio, c'est l'Observatoire hydroacoustique de la sismicité et de la biodiversité. Donc on travaille avec des géophysiciens. On a à peu près 7 à 9 sites où on a des hydrophones depuis 2009. Et ils sont concentrés dans le sud-ouest de l'océan Indien, donc entre Madagascar et les îles Kerguelen. En fait, on profite d'une campagne océanographique sur le Marion Dufresne pour déployer tous les ans et récupérer tous les ans les hydrophones. Donc ces hydrophones, ils vont enregistrer tout un ensemble de données. À quoi ressemblent les données qu'on peut récupérer et comment est-ce que vous faites pour isoler ensuite le son de baleine? Donc en fait, là, on fait ce qu'on appelle de l'acoustique passive. Donc on enregistre tous les bruits de l'océan. Donc il faut savoir que le paysage acoustique de l'océan, il peut se décomposer en trois grands groupes. On a tout ce qui est géophonie, donc c'est tous les sons des bruits, des vagues, du vent et tous les sons terrestres, les tremblements de terre, les craquements d'iceberg. Donc ça, c'est ce qui est géophonie. Ensuite, il y a des bruits d'origine naturelle biologique, donc c'est la biophonie, donc c'est tout ce qui va être mammifères marins, donc ça peut être des baleines, des dauphins, des phoques aussi, mais aussi tout ce qui est poissons, crustacés. Et la troisième composante, c'est ce qu'on appelle l'anthropophonie, ce sont des bruits d'origine non naturelle, donc c'est les bruits émis par l'homme dans le milieu marin, donc ça peut être du trafic maritime, de la prospection pétrolière, des travaux portuaires, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment un paysage acoustique. Vous allez voir, il y a différents types de sons. Il y a des sons d'origine naturelle et puis il y a aussi des sons d'origine anthropique. Vous allez entendre derrière un petit bruit de bateau. Donc là, le dernier enregistrement que vous avez entendu, c'est vraiment le son du bateau au moment où on est venu récupérer l'instrument. Donc c'est la signature acoustique du navire océanographique qu'on a utilisé, donc c'est le Marion Dufresne, pour récupérer les instruments. Une fois que vous avez récupéré toutes les données acoustiques, comment vous faites pour isoler les sons de baleine ? On enregistre des sons plutôt dans les basses fréquences, on enregistre de 0 à 120 Hz. On entend très peu dans ces bandes de fréquences-là, donc on va utiliser ce qu'on appelle un spectrogramme, donc une représentation visuelle du son pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a enregistré. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on voit ici ? Alors sur cette image-là, vous avez une représentation du son de un an d'enregistrement. Donc là, c'est l'enregistrement de l'année 2015. Donc un spectrogramme, c'est quelque chose qui est un peu en trois dimensions. Vous avez ici le temps en abscisse, la fréquence en ordonnée, et puis l'énergie des signaux est représentée par une palette de couleurs, donc qui va aller du bleu quand c'est très faible au rouge ici quand c'est très fort. Et donc vous allez voir sur ces enregistrements-là, on voit par moment, on a un peu plus d'énergie dans certaines gammes de fréquences. Ça arrive comme ça tout doucement à partir du mois de mai. Juin, juillet, c'est de plus en plus fort, puis ensuite ça diminue. Et bien ça, ce sont des signatures acoustiques de baleines. Et donc, ce qu'on entend là, c'est le son caractéristique des baleines bleues. Ici, vous avez les sons caractéristiques des baleines bleues antarctiques. Donc, comme vous voyez, c'est un son assez simple, toujours le même. Elle répète ce signal-là à peu près toutes les minutes. Et vous voyez, par exemple, ici, sur ce spectrogramme, une série de cris de baleines bleues antarctiques. Donc là, on voit qu'elle produit des cris pendant à peu près 10 minutes. Et puis ensuite, elle va s'interrompre, elle va arrêter de chanter. On pense qu'elle est à la surface pour respirer. Et ensuite, quand elle va replonger, elle va se remettre à chanter. Ici, vous avez la signature acoustique donc des baleines bleues pygmées de type Madagascar. Donc cette fois-ci, vous avez deux notes, une un petit peu plus haute en fréquence que la seconde, mais c'est pareil, elle répète de façon très régulière ces deux signaux. La signature acoustique que vous venez d'entendre de baleine pygmée d'Australie est bien différente de la baleine bleue antarctique ou de la baleine bleue pygmée de Madagascar, mais elles ont des caractéristiques communes, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt très fortes en énergie, basses en fréquence et très longues, et puis répétées comme ça de manière régulière. C'est ce qui caractérise tous les sons des baleines bleues dans le monde. Ce qui est important, c'est que là, on les entend parce que j'ai accéléré le son 20 fois. Dans la réalité, ça va être 20 fois plus lent. Donc c'est vraiment des sons très, très, très, très lents. Étant donné qu'on a beaucoup d'heures d'enregistrement, ce serait vraiment très chronophage d'écouter tous les enregistrements. Donc c'est pour ça qu'on utilise des outils un peu numériques, des outils de traitement de signal pour pouvoir analyser plus rapidement et collecter vraiment l'information, tout ce paysage acoustique qui nous intéresse. Et voilà quelques extraits de chants de baleines et de paysages aquatiques, acoustiques. C'est votre métier, Olivia, dans certains sons qu'on vient d'entendre. C'est vous qui les avez enregistrés. Racontez-nous un peu ce travail. C'est un travail de fourmi dans le brouhaha d'un océan, de réussir à repérer, d'entendre. On va entendre tout au long de cette émission. On a plusieurs sons parce que toutes les baleines ne chantent pas de la même façon, pas la même voix. Alors, deux choses. Premièrement, paysage acoustique. Ça, c'est quelque chose qui est très à la mode à l'heure actuelle, en 2018. Alors, pas forcément sous-marin. En terrestre, on peut définir une ville comme Paris, par exemple, uniquement avec le son, ou New York uniquement avec son son. Et donc, on peut définir des zones comme, par exemple, des forêts tropicales ou alors des océans. D'accord ? Donc, on va avoir des paysages acoustiques qui vont être différents entre l'Atlantique Nord et l'océan Indien. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que effectivement, les baleines bleues qui sont tout autour, les baleines bleues antarctiques, donc qui sont tout autour de l'océan Austral, autour du continent antarctique, le problème qui se pose, c'est comment on fait pour les observer, sachant qu'elles sont tellement peu nombreuses. On pense qu'elles sont entre 1000 et 3000. Et probablement en voie en population décroissante. Comment on fait pour les observer? On va pas prendre un zodiac pour aller dans les 50e hurlant, par exemple, 50e rugissant. Et du coup, il y a d'autres alternatives. Et le fait qu'elles émettent des sons, fait que si on met des hydrophones, qui sont des micros qu'on met dans l'eau, on va pouvoir enregistrer à distance leurs sons. La base de données dont parle Flore Samaran là dans son reportage, qui est juste exceptionnel, c'est une base qui est importante parce que depuis 7 ans, je crois 6 ou 7 ans, ils ont enregistré de façon quotidienne les sons de l'océan Indien et de l'océan Austral. Et donc les sons, c'est pas uniquement les baleines, c'est tous les sons qui peuvent exister. Alors évidemment, avec les baleines, nous, c'est notre centre d'intérêt, c'est les baleines bleues, antarctiques, pygmées, les rorquals communs, etc. Et donc ça nous permet de savoir, un, quand est-ce qu'elles sont là. Donc on met, à chaque fois qu'on a une vocalité, on met plus 1 dans nos données, et puis à la fin on regarde avec les histogrammes quand est-ce qu'elles sont là. Est-ce qu'elles sont là plus souvent en janvier, en mars, le jour, la nuit? Est-ce qu'il y a des conditions météo ou des activités humaines qui pourraient modifier leur présence? Et voilà, et ça c'est juste exceptionnel. Le travail que fait Flore Samaran au niveau international, qui est reconnu par le Conseil scientifique de la Commission baleinière internationale, permet d'en savoir plus, parce que ce qu'on cherche, c'est des informations sur leur population. On veut savoir combien elles sont, est-ce qu'elles font, est-ce qu'elles émettent plus de cris qu'avant, ou est-ce qu'elles changent de son. Et ce qu'a montré Flore, c'est que depuis les 7 dernières années, les vocalises qui sont émises par ces baleines bleues, qui sont des vocalises extrêmement stéréotypées en deux fréquences, la fréquence fondamentale diminue année par année. C'est-à-dire qu'elles vont chercher des graves de plus en plus. On va écouter un petit, parce qu'on l'entend dans le reportage, on va se mettre un petit son de baleine bleue pour savoir de quoi vous parlez. Écoutez. Ben. Alors, oui, c'est vocalise de baleine bleue. On voit c'est pas clic, hein, parce que c'est... Non, c'est pas clic, c'est des vocalises. C'est Jean-Luc Jung qui dit clic. Bon, attends, parce qu'il y a des baleines qui cliquent, on va l'entendre. Alors, tout à l'heure. Mais... Ok, mais là, on voit bien que la vocalise, elle est en deux temps, d'accord? On a une fréquence qui est à peu près à 28-30 Hz, et puis après une fréquence qui descend à 20 Hz. D'accord ? Donc très basse fréquence, ce qui est intéressant, parce que du coup, ça se propage relativement bien dans le milieu marin, enfin dans l'eau. Et nous, par exemple, avec Flore, on a enregistré des baleines à plus de 150 km, voire 170 km de distance de l'hydrophone. Et on pense que ces sons qu'elles émettent entre elles, c'est pour pouvoir au moins se repérer. Et puisque à un moment donné, elles sont bien obligées de se retrouver soit pour manger, soit pour se reproduire, les sons sont probablement le vecteur le plus intéressant pour ces rendez-vous. Et on va parler de la modification du milieu sonore et des stratégies d'ailleurs qu'elle déploie pour contrer cette modification du milieu sonore. Ce qui est intéressant aussi peut-être de préciser Jean-Luc Jung, c'est que on a écouté l'océan, les militaires ont écouté l'océan depuis assez longtemps pour d'autres raisons, et finalement il y a certains enregistrements qui ont permis aussi de retrouver, d'être décrits ou... Oui, sur les enregistrements, je vais laisser parler, parler Olivier. En fait, un des articles clés qui a été fait par Penn et McVeigh en 1971, c'est que la marine américaine qui écoutait les sous-marins russes ont en fait enregistré que des baleines à bosse, c'était du côté d'Hawaï. Et en fait, les gars, ils se disaient, bon, on a des sons qui viennent des baleines, on aimerait bien vous les donner. Et c'est comme ça que ça a fait une des publies majeures sur la bioacoustique des cétacés par ces gens-là, grâce à la marine américaine. On entendait dans le reportage que l'on peut comprendre l'activité d'une baleine à l'écoute de son chant, c'est-à-dire ? Oui, parce qu'en fait, les cétacés vont émettre des sons, comme nous d'ailleurs, quand on a une activité d'alimentation, de reproduction ou de déplacement, on fait pas les mêmes sons. Et donc, du coup, on a répertorié des types de sons et on se dit, là, par exemple, elles sont en train de manger parce que ce type de son correspond à une chasse. Et du coup, alors, on n'a pas l'ensemble de leur discussion ou dans leur langage, c'est pas ça que je veux dire, mais en tous les cas, on a quelques clés qui nous permettent de dire si elles sont en train de se déplacer ou de s'alimenter. Un autre mot, puisque c'est l'un des problèmes récurrents à propos de cette écoute, de ce travail de bioacousticien que vous faites, c'est le niveau sonore de bruit de fond océanique qui a considérablement monté ces 50 dernières années. On parle de 20 décibels en plus. Alors, ça dépend de où on se place. Évidemment, dans l'océan. En fait, l'océan. Il va y avoir, c'est les activités humaines qui sont pointées du doigt, et des activités humaines qui sont en augmentation régulière, comme par exemple le trafic maritime. Les forages, la protection pétrolière, les essais nucléaires, etc., les essais militaires, font que le son augmente systématiquement. Alors, plus proche des côtes et des grands ports qu'en plein milieu des océans ou dans l'hémisphère sud. Il y a une grande distinction entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud du fait des activités humaines et donc des sons qui sont propagés dans l'eau. Le truc qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. Premièrement, les sons des bateaux, par exemple, sont très basse fréquence et du coup, sont bien portés par le milieu marin et voilà. Bon, premièrement. Et deuxièmement, on pourrait trouver des alternatives pour diminuer, par exemple, les sons des bateaux, comme nous, on l'a fait avec nos voitures. On est passé des pôles échappements libres à des pôles échappements qui sont plus importants. Et on pourrait faire les mêmes approches sur les bateaux. Et actuellement, il y a en réflexion des nouvelles technologies qui permettent de diminuer le son des bateaux. Jean-Luc Hume, je voyais prendre des notes. Vous vouliez réagir à cette augmentation du bruit de fond océanique. Alors c'était pas l'augmentation, c'était pour parler un peu de culture aussi. Et parmi les travaux d'Olivier, dans le groupe d'Olivier, il y a tout le décryptage des chants des baleines mâles qui crée une culture qui est propre à certains groupes. Et alors c'est là qu'on se retrouve. Et donc vous demandiez il y a quelques minutes comment est-ce qu'on étudiait les cétacés. Ben pour moi l'un des mots clés c'est la pluridisciplinarité. C'est là qu'on arrive à comprendre quelque chose. Et qu'on espère comprendre quelque chose, et notamment toute cette notion de culture qui appartient à des groupes, alors qui touche les chants, qui touche des techniques de chasse, et puis pour la baleine à bosse, on en reparlera après, peut-être qui touche la fidélité à des zones de nourrissage ou de reproduction, et qui peut avoir des influences sur la génétique, après des éléments qu'on aime bien travailler, sur lesquels on se retrouve. Voilà, on est passé de l'espèce à un niveau régional, enfin océanique, et à un niveau régional, et après on va essayer d'aller vers l'individu, ou au moins le groupe d'individus. Et donc ça, c'est hyper progressif. C'est en 2018, là, c'est en ce moment. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Destiny. the Whale du groupe Yes. Bah oui, ne tuez pas les baleines. Au contraire, préservons ces baleines. C'est ce dont il va être question dans cette deuxième partie de la méthode scientifique consacrée aux baleines, aux cétacés plus précisément, et plus précisément aux mysticètes, qui sont les baleines à fanons. On en parle avec Olivier Adam, qui est bioacousticien, spécialiste des cétacés, professeur à Sorbonne Université et chercheur au sein de l'Institut d'Alembert, et avec Jean-Luc Young, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Brest, maître de conférences et directeur du laboratoire Biogem, biologie et génétique des mammifères marins. Alors, on parlait tout à l'heure des différentes espèces de baleines recensées. Celle que l'on connaît le mieux aujourd'hui, Jean-Luc Young, c'est incontestablement la baleine à bosse, qui est la plus étudiée de toutes. Oui, non ? Oui, alors est-ce que c'est peut-être l'une de celles qu'on connaît le mieux, est-ce qu'on la comprend bien? Je suis vraiment pas sûr, je crois que plus on comprend et plus on progresse dans la connaissance et plus on se rend compte qu'il y a encore des choses à comprendre. Ne réglez pas votre poste de radio, c'est bien des chants de baleines à bosse qu'on entend derrière, ce n'est pas la porte qui grince dans l'atelier du fond, allez-y. Et donc ces baleines à bosse, comme dit précédemment, il y a trois sous-espèces, en Atlantique Nord, dans le Pacifique Nord et dans l'hémisphère Sud. Alors il suffit de regarder un globe pour se rendre compte pourquoi tout l'hémisphère Sud et on considère qu'il y a une seule sous-espèce et puis que l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord sont séparés. Alors peut-être quand le passage Nord-Ouest sera plus ouvert, on aura un regroupement entre l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et quand on va travailler bien conservé, c'est bien, il faut bien connaître. Et donc là, quand on va travailler sur ces baleines et qu'on va travailler dans le détail, mais c'est pas le détail parce qu'on parle de zones qui restent extrêmement larges, qu'on se pose la question, est-ce que les baleines à bosse de tel endroit sont équivalentes, sont la même population que celles 3000 km plus loin, on a des surprises. Et on n'a pas les mêmes réponses entre le Pacifique Nord, l'hémisphère Sud, l'Atlantique Nord. On a des différences génétiques. Et à ce propos, il y a une étude effectivement assez intéressante et assez récente qui se passe au. C'est une étude que vous avez co-dirigée, hein, Jean-Luc Young, sur deux groupes de baleines. Ce sont bien des baleines à bosse, hein. Dans le Pacifique Nord, c'est ça, avec des collègues russes. On a travaillé. Donc les collègues russes sont sur le terrain depuis des années. Ils observent les orques et les baleines à bosse spécifiquement. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait deux groupes de baleines à bosse qui fréquentaient. Donc c'est des zones d'alimentation, hein, dans les eaux russes de la mer de Bering. Et deux groupes de baleines à bosse qui étaient qui fréquentaient deux îles différentes, les îles Karaginski et les îles Commander, qui sont à 500 km de distance, donc pour des baleines qui font 10 000 km, qui peuvent faire 10 000 km de migration, 500 km. C'est rien, c'est la porte d'à côté. Voilà. Ils font de la photo-identification, Olivier en a parlé avant, on peut identifier des individus en photographiant la nageoire caudale, et eux ont fait énormément de photo-identification. Et ont montré que visiblement les baleines des deux groupes n'étaient pas les mêmes. On avait très peu d'échanges de recapture, on parle de recapture par la photo, hein, d'un même individu, il y avait très peu de recapture d'une île à l'autre. Ils ont fait ensuite des prélèvements pour pouvoir étudier le régime alimentaire. Le régime alimentaire a été démontré comme étant différent dans ces deux sites. Et c'est là qu'on est passé à la génétique. Et la génétique, on a eu des résultats très étonnants, puisqu'on n'arrive pas à distinguer les deux groupes quand on compare l'ADN nucléaire, donc qui héritait des deux parents, qui provient d'un brassage génétique à chaque génération. Et par contre, on a une différence extrêmement marquée quand on regarde l'ADN mitochondrial, qui lui est d'héritage maternel uniquement, et qui n'est pas sujet à ce brassage, justement. Et donc ça s'explique pour les baleines à bosse, pour quelques autres espèces de baleines, et ça semble être assez spécifique justement des mysticètes, par des espèces qui ont des voies, donc des migrations répétées, annuelles, entre des zones de nourrissage, qui sont souvent dans les eaux polaire ou subpolaire, hein, et puis donc des zones de reproduction tropicale, subtropicale. Donc on a des migrations entre ces zones, et il y a une fidélité qui n'est pas absolue, hein, c'est pas écrit dans le marbre, mais on a une fidélité, et cette fidélité, donc c'est-à-dire que les baleines auront tendance à aller se nourrir tous les ans au même endroit, dans la même zone d'alimentation. Et cette fidélité, visiblement, elle vient d'un apprentissage qui passe de la mère au baleineau. Et c'est ça qui est particulièrement étonnant. Et donc, on va avoir des lignées maternelles que nous, on reverra en génétique grâce justement à l'ADN mitochondrial. Et ces lignées maternelles comportementales, puisqu'on aura la mère qui apprendra au baleineau, et puis les baleineaux femelles qui apprendront aux générations suivantes, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des différences génétiques entre des groupes de baleines à bosse liées comme ça à cette fidélité. C'est ce qui est assez passionnant dans cette histoire, c'est que du coup, ça montre une sorte de lien d'influence entre la culture géographique, entre guillemets, et la génétique. C'est-à-dire qu'il y aura finalement une sorte d'influence ou d'action réciproque de l'un sur l'autre. Ouais, tout à fait. Ça, c'est l'une des compréhensions qui date d'il y a 2 ou 3 ans. Il y a déjà des prémices, mais les preuves datent d'il y a 2 ou 3 ans. On se rend compte que chez certains cétacés, on a des phénomènes de coévolution entre culture et génétique. Et donc, de la culture propre à certains groupes va amener des différences génétiques entre groupes. Et alors, l'exemple magistral est venu des orques, il y a à peu près 2 ans, où des collègues ont pu montrer que des groupes Saint-Patrick, c'est-à-dire qui partagent des mêmes territoires d'orques, mais qui ont des spécialités de chasse différentes. Certains chassent des mammifères marins, d'autres vont chasser du saumon, d'autres vont... Voilà. Et ces groupes ont cette spécialité de chasse, ne se reproduisent pas entre eux, visiblement. Il y a des barrières génétiques, et ça entraînait des évolutions différentes du génome, des micro-évolutions différentes du génome. Et ces groupes, maintenant, sont séparés. Et on peut retrouver, alors par exemple, on a chez les mammifères marins, chez les orques qui sont spécialisés dans les mammifères marins, qui vont les manger notamment du marsouin. On retrouve des gènes qui codent pour le métabolisme de la méthionine qui sont modifiés par rapport aux autres. Et ça, c'est directement lié à la fonction. Mais bon, on en arrive, c'est passionnant parce que finalement, cette histoire de coévolution génétique culturelle, c'est l'exemple qu'on cite classiquement, c'est l'exemple de l'adaptation de l'homme au lactose, et la coévolution de la vache et de l'homme pour ces raisons et pour des raisons culturelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en arrive au point de l'impossibilité d'hybridation, c'est-à-dire qu'on arrive du coup à vraiment une spécification de ces deux branches distinctes. Alors chez les baleines à bosse, non, puisque visiblement, cette fidélité, elle vient de la mère, c'est des lignées maternelles, et puis par contre, après, les baleines vont se retrouver dans des zones de reproduction qui pourront être mélangées, mais par contre les lignées familiales, les lignées maternelles vont garder leur spécificité. Et chez les orques, par contre, oui, tout à fait. Et là, on revient vers Olivier et les champs. Justement, l'hypothèse actuelle, c'est que la barrière à la reproduction entre ces groupes, qui pourtant occupent le même territoire, la barrière à la reproduction, elle serait vocale, il semblerait. Probablement que les sociétés d'orques matriarcales sont extrêmement fermées. C'est-à-dire, en fait, le groupe, il reste soudé du début jusqu'à la fin avec une forte... Enfin, sont très fortement soudés. Ce qui n'est pas le cas des baleines à bosse. Les baleines à bosse, en fait, les pères mères baleineaux restent 1 an, voire 2 ensemble, et puis après, ils splittent assez vite. Et que du coup... Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est clairement des sujets pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'il y a du comportement. Nous, on a travaillé, par exemple, sur les habitats des baleines à bosse et de regarder quelles étaient leurs préférences en termes de déplacement. Et donc, en fait, sur tes zones à toi, c'est très lié à la nourriture. C'est-à-dire, en fait, on se retrouve avec des comportements, mais les comportements rentrent aussi sur leur type de nourriture sur lequel ils vont s'alimenter, et puis finalement sur leur culture au sens général. Donc tout est assez lié, quoi. Tout à fait. Pour ça, il y a une image qu'on aime bien, c'est celle de Roméo et Juliette. voilà, on est dans des les Capulet et Montaigu. Voilà, exactement. On a des individus qui devraient pouvoir se reproduire. Mon généticien vous dira, on est dans une population à l'équilibre de Hardy-Weinberg, théoriquement. Il n'y a pas de barrière au flux de gènes, etc. Et bien, si, il y a des barrières. Alors, il n'y a pas de barrière physique. Il y a pas, c'est des orques ou des baleines qui vont occuper les mêmes zones géographiques et qui, pourtant, ne vont pas pouvoir se reproduire au hasard, librement. Il y a une autre étude qui est relativement récente sur laquelle j'aimerais votre opinion ou vos explications à propos d'une autre population, les baleines bleues, donc la plus grande de toutes les baleines, le plus grand mammifère, le plus grand animal terrestre. Et il y a effectivement une étude de mars 2018 de chercheurs de Stanford qui s'est intéressé aux questions du gigantisme, parce que le gigantisme animal, c'est quelque chose de compliqué en général. La nature aime pas trop les trop grosses bêtes, en fait, naturellement. L'évolution aime pas trop les trop grosses bêtes. Et là, on commence à mieux comprendre. Qui veut parler de cette étude-là, Olivier? En fait, cette question, c'est une question des spécialistes en paléontologie. Ils veulent se demander quand est-ce, à partir de quelle date elles ont commencé à devenir gigantesques et quelle a été après la stratégie pour l'être. Et du coup, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'était simplement basé sur le fait que le régime alimentaire expliquait le fait, vu qu'elles mangeaient comme des goinfres, forcément, elles étaient de plus en plus grosses. Et donc, c'était point barre la solution à cette question-là. C'est un peu trop rapide. En 2018, on va plus sur des notions de lutte contre le froid, d'énergie, d'être une fois qu'on est à cette place-là au niveau chaîne alimentaire, on est obligé de la garder, etc. Et donc, c'est un peu plus fin, quoi, comme approche. Le Kyung sur, avec une idée en génétique aussi, qui est, je pense, au titre d'une belle publication de collègues américains aussi qui ont étudié justement cela en lien avec la génétique. Et qui ont, le titre de la publi veut tout dire, c'est Big and Slow. On aurait des génomes qui évolueraient et qui sembleraient évoluer un peu plus doucement. Non, le gigantisme se reflèterait même là. D'autres études récentes sur les baleines. Et alors, il y a quelque chose, parce que on évoquait au début de cette émission le fait qu'on n'est pas. On n'est pas sûr encore d'avoir identifié toutes les populations de baleines. On l'a brièvement évoqué, j'aimerais que vous m'en redisiez un mot, Jean-Luc Kuhn, de la façon dont on a aujourd'hui appliqué à l'océan ouvert une méthode d'échantillonnage d'ADN environnemental qui était jusqu'à présent possible dans les environnements aquatiques fermés, hein, puisque quand on prend de l'eau d'un lac, on est à peu près sûr d'avoir statistiquement, à partir d'un moment, des traces ADN de l'ensemble de la population vivante qui l'habite. Comment ça se passe dans les océans pour faire de l'ADN environnemental et comment ça peut nous aider aujourd'hui à découvrir de nouvelles espèces? Alors ça, c'est des démarches qu'on a fait qui sont très, très innovantes, hein, qu'on a mis en place depuis un ou deux ans maintenant. On a la chance là en France d'être relativement à la pointe, hein, dans ces démarches-là, et notamment c'est le fait d'un laboratoire qui s'appelle SpyGen et qui a mis en place de manière très, très efficace ces méthodes en eau douce. Et on est en train de travailler avec eux donc pour essayer de les mettre en place avec d'autres encore, pour les mettre en place en milieu marin. Nous, notre but étant d'aller rechercher des mammifères marins. Alors se posent bien sûr toutes les questions de courantologie, toutes les questions de subsistance de l'ADN dans l'eau de mer. Alors comment est-ce qu'il est là? Tiens, on peut peut-être déjà évoquer ça. C'est ça. Comment il est là? Comment il est là, cet ADN dans l'eau de mer? Tout animal qui est... Tout animal donc qui dans l'eau de mer va perdre des cellules. Alors ces cellules, ça peut venir de l'urine, des fesses, ça peut être des fragments de peau, ça peut être le cadavre de l'animal quand s'il meurt, ça, voilà. Donc continuellement, on va avoir des cellules qui ou juste des morceaux d'ADN qui vont se retrouver dans l'eau de mer. Voilà. Ce qui est intéressant, quand vous vous apprêtez à partir en vacances, de savoir ce qu'il y a dans l'eau de mer. Oui, voilà, mais moi j'ai ramené de l'eau de Madagascar, les bouteilles d'eau. Je me souviens t'avoir demandé de remplir des bouteilles d'eau derrière des baleines. C'est une collecte. Ramenez-nous de l'eau de mer de vos vacances et Jean-Luc Jung pourra les analyser. Donc là, il y a toute une technique de filtration avec un protocole justement qui est mis au point par SpyGen sur la base des résultats qu'ils ont en eau douce et des protocoles qu'ils ont en eau douce. Et donc on a testé ça il y a quelques mois en Guadeloupe. On a dans les Antilles françaises, on a le sanctuaire à Goa en plus qui est une zone marine spécifiquement dédiée une aire marine protégée spécifiquement dédiée aux mammifères marins. Je crois que c'est 140 000 km², ça doit être l'ensemble des eaux françaises, des Antilles. C'est un bel endroit, hein. Il y a énormément d'espèces, une grande diversité. Par contre, pas tellement d'individus, hein. Beaucoup de différences d'espèces, mais relativement peu d'individus. Donc des difficultés d'observation, des difficultés d'études. Et voilà, c'est le terrain de mise au point idéal pour commencer à travailler sur l'ADN environnemental. Donc on a fait une semaine de prélèvement, c'était en février, avec les collègues de l'Université des Antilles, des partenaires locaux. Il y a un milieu associatif qui est très, très efficace là-bas. On a avec AGOA, hein, avec le Parc National. On a regroupé les moyens à la mer, on a pu faire des prélèvements. Et les résultats, je vous avoue que je suis sur des charbons ardents, ils vont venir. Ah. Ils arrivent. Mais vous pouvez nous en dévoiler peut-être un avant-goût rapidement, vous avez... Non, vraiment pas encore, d'accord. C'est de la métagénomique derrière l'analyse, donc on fait le prélèvement d'eau. On regarde toutes les traces d'ADN qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il y a une technique d'extraction d'ADN, ensuite de séquençage, de métagénomique, hein, de métabarcoding, on essaye de séquencer tout l'ADN, un gène particulier de tous les organismes qui étaient présents dans l'échantillonnage. Et ensuite, il y a une analyse bioinformatique qui n'est pas si simple que ça, pour essayer d'identifier les espèces. Et on est aussi en train de travailler, il faut pouvoir comparer tout ça à une banque de données, on est aussi en train de travailler à la mise au point de cette banque de données. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on est passé maintenant dans les moyens d'observation qui sont de plus en plus... avec les nouvelles technologies, par exemple, qui sont de plus en plus poussées, on déploie plein de systèmes d'observation pour le même sujet d'étude, par exemple, qui serait les cétacés, en l'occurrence ici, là, et on se retrouve avec des bases de données complexes à analyser après, et donc là, Jean-Luc parle de la génétique, mais en acoustique, c'est exactement la même chose. Avant, il y a 15 ans, on avait un seul hydrophone pour enregistrer dans un point donné quelque chose, alors que maintenant, on va en déployer une vingtaine pour une zone plus large. On va collecter des données, on est dans l'ère du big data, alors pas uniquement pour Facebook ou Twitter, mais aussi pour l'environnement. Et du coup, on va être obligé dans l'espace, etc. Et du coup, on va être obligé de déployer des nouvelles façons automatiques d'analyse pour pouvoir y voir plus clair. Et c'est vraiment des perspectives qui sont hyper ambitieuses, mais ultra intéressante parce que on pense qu'on va avoir de plus en plus une connaissance plus fine de ce qui se passe autour de nous et dans l'environnement marin. Et avec ce paradoxe qu'on retrouve souvent, ou ce paradoxe, ou en tout cas cette complexité contemporaine qui est celle de tous les naturalistes d'aujourd'hui, qui dit que quand on découvre des nouvelles espèces, et bien souvent ces espèces sont déjà au bord, en tout cas très en danger, voire au bord de l'extinction il y a un an. Et alors, ce qu'il faudrait, c'est que, enfin, là, on est en train de passer d'un système de conservation, d'accord, au niveau politique, des conservations de l'environnement, à un système de régulation des activités humaines. Et on voit bien qu'il y a ce changement qui se fait. Par exemple, au Canada, le gouvernement canadien a interdit la pêche au homard dans une zone où il y avait des baleines franches du Nord-Atlantique, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a eu 17 échouages l'année dernière dus à ces pêcheries. Donc, ils ont stoppé ces pêches. Donc là, on voit bien qu'on est dans un système de régulation des activités humaines et ça va aller en augmentant dans les années qui viennent. Un mot peut-être sur une espèce de baleine que vous vouliez évoquer, le rorqual d'Omura. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant ce rorqual d'Omura ? Qui veut m'en parler ? Allez, je vais vous parler un peu du complexe de Bride. Alors, parlez-moi donc du complexe de Bride. un des rares complexes. Est-ce qu'elles existent vraiment, ces baleines-là? Oui, tout à fait, on les a vues. Donc, dès qu'on parle de complexe en termes de taxonomie, c'est qu'on a un souci. On a donc un groupe d'espèces, complexe de Bride, c'est une espèce, hein, ça s'appelle Bride. Là, ce qu'on est en train d'entendre, c'est le rorqual commun. Oui, c'est ça. Pareil, les gens ensuite vont régler leur pose de radio en disant, on est en train de passer sous un tunnel. Pas du tout, c'était le rorqual commun. Le généticien a une drôle de voix. Non, pas du tout. Et donc le complexe de Bride, on sait que ça a regroupé plusieurs espèces, sous-espèces, enfin voilà, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il y en avait au moins trois groupes. En 2003-2004, quelque chose comme ça, des collègues japonais d'ailleurs, ont identifié le rorqual d'Omura à l'intérieur de ce complexe comme étant une espèce à part entière et non définie. Et ce rorqual d'Omura avait été identifié dans le nord de l'Australie, mer du Japon, mer de Chine, enfin voilà, cet endroit du assez restreint. Zone assez restreinte. Peu abondant, très discret. Donc voilà, il y a ceux qui plongent très profond et puis ceux qui sont super discrets, donc très très peu vus et puis difficile à distinguer des autres espèces. Donc on en était resté là. Et il y a 3 ans, en travaillant avec des collègues mauritaniens qui font des prélèvements justement d'animaux échoués le long du littoral mauritanien, 400 km de plage, hein, une plage de 400 km. Donc ils font régulièrement des allers-retours le long de cette plage pour essayer d'identifier tous les vertébrés échoués. Et ils font des prélèvements. Ils sont tombés sur une baleine 4 mètres de long, nouveau-né. Donc bon, c'était clairement une baleine, mais ils n'ont pas réussi à l'identifier. Ils nous ont envoyé l'ADN et on n'a pas d'a priori. Quand on séquence l'ADN, on extrait l'ADN, on le séquence et puis on regarde, on compare aux bases de données. Puis on est tombé sur le rorqual d'Omura. Alors comment ça se fait qu'il est dans cette région là ? Est-ce qu'il s'est perdu ? Alors, deux possibilités. Soit il y a une population atlantique qui était complètement méconnue, qu'on ne connaissait pas. Alors là, voilà, on est en plein dans le thème de faut connaître pour protéger. Si on ne sait pas qu'ils sont là, on ne risque pas de les protéger. Ouais. Ou bien, deuxième possibilité, comme les baleines sont capables de migrations énormes, hein, on a des exemples de 10 000 km de migration, on pourrait imaginer une migration. Mais c'était un nouveau-né, donc il aurait fallu que ce soit la mère, vraiment nouveau-né, hein, il avait quelques jours. Donc il aurait fallu que ce soit la mère qui enceinte qui fasse le trajet. Et puis deuxième, deux nouveautés depuis, des collègues brésiliens qui ont trouvé là aussi un spécimen au Brésil. Donc ça renforce l'idée d'une population atlantique. Et un autre collègue qui les a trouvés à Madagascar, où là il a pu les observer. Là il y a une trentaine de je crois au moins d'individus, enfin qui ont l'air d'être résidents. Donc voilà, là on est typiquement dans une baleine qu'on n'aurait pas, dont on n'aurait pas étendu l'aire de répartition sans les outils génétiques et sans cette approche. C'est pas la seule espèce qui est très discrète voire furtive. Et c'est vrai que, par exemple, lors d'exercices militaires, on a eu des échouages, et c'est des échouages qui ont montré, en fait, que certaines espèces étaient présentes. Je pense aux baleines à bec, par exemple. Ouais. Et du coup, elles sont très difficiles à observer parce que, généralement, on va dire peureuses, entre guillemets, des activités humaines. Donc, on arrive avec les bateaux, elles ont tendance à partir. Ou alors, elles évoluent à très grande profondeur, à plus de 2 km, 3 km de profondeur. Donc, on n'a aucune chance de les observer. Et le réseau échouage, justement, a un rôle fondamental là-dessus. Non seulement pour recenser, en fait, les différentes espèces qui s'échouent, etc. Et de voir s'il y a des variations annuelles. Mais aussi pour des observations de nouvelles espèces, ou en tout cas des espèces qui n'étaient pas attendues auprès des côtes, quoi. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Peut-être un mot pour parler des influences non plus seulement des activités humaines, mais du réchauffement climatique sur les baleines en règle générale. Est-ce que on a suffisamment d'observations? On sait que, par exemple, la fonte prolongée de la banquise arctique peut dérouter certaines populations de baleines qui étaient auparavant arrêtées par la banquise et qui vont remonter un peu plus au nord. Je ne sais pas, Olivier Adam. 2009, il y a eu une publication qui a été faite par un chercheur américain à la Commission baleine internationale en disant que les cétacés étaient des bons éléments pour caractériser le réchauffement climatique de la planète, notamment puisqu'ils étaient aux extrémités de la chaîne alimentaire, soit pour le krill, et donc on pense au réchauffement des océans, mais on pense le krill, c'est des petits poissons microscopiques qu'on mange, voilà. On pense aussi à l'acidification des océans, et puis les odontocètes qui sont eux au contraire à l'autre extrémité de la chaîne alimentaire et qui peuvent être dépendants d'un certain type d'alimentation, et pour certains qui sont résidents par exemple dans une zone, et ben si jamais les activités humaines viennent à modifier l'habitat, bah, ils peuvent éventuellement partir. Donc effectivement, les cétacés sont des bons éléments pour caractériser le réchauffement climatique de la planète. L'une des idées aussi pour travailler sur les baleines, alors c'est des espèces emblématiques, on a envie de les connaître, on a envie de faire progresser notre compréhension sur le sujet, mais on les qualifie aussi très souvent, moi je crois beaucoup à cette notion-là, du terme d'espèce sentinelle, et espèce indicatrice de la qualité du milieu. On part du principe que si des changements se produisent, on a de fortes chances de les voir sur ces espèces qui sont peut-être plus visibles que d'autres compartiments de l'écosystème qui sont plus difficiles à observer. Et on parle aussi d'espèces parapluies d'ailleurs. Si on protège les notions d'écologie, si on protège si on arrive à protéger et à conserver des grands cétacés, on va protéger du même coup tout le compartiment de l'écosystème qui est moins visible, moins facile à travailler. Non, je voulais juste rajouter un point de détail, c'est que en fait c'était des mammifères supérieurs, donc on peut s'attendre à ce qu'ils s'adaptent au réchauffement climatique. Par contre, ils vont avoir du mal à s'adapter aux activités humaines comme les pêcheries, parce que si on vide le restaurant, il n'y aura plus rien à manger, quoi. On va s'en tenir là pour aujourd'hui. Peut-être un dernier mot, un peu sous forme, parce que quand on parle de biodiversité, évidemment, ça c'est jamais toujours en de très bons termes. Néanmoins, j'ai lu en préparant cette émission que le nombre d'individus augmente et qu'il est peut-être même un poil sous-estimé qu'aujourd'hui on a quand même des chances d'être un peu optimiste sur les populations de baleines. Non, pas vraiment, Jean-Luc Jung. C'est très très difficile de faire des estimations d'abondance, mais ça s'est réalisé. Alors on peut utiliser des données de génétique, on peut utiliser des données d'observation, etc. Moi je crois que globalement c'est pas mal, les idées qu'on a. Ça veut dire pas mal. C'est concrètement. Les idées qu'on a en termes d'abondance, sauf dans des endroits particuliers, globalement j'ai... Ça dépend des espèces en fait. Ça dépend des espèces. Je parlais des baleines à bosse. Ah, des baleines à bosse. Les baleines à bosse, elles ont tendance à accroître. Okay. C'est 7% de plus par an. Il y a des cétacés qui sont en difficulté majeure, en plus comme... Italie et en Guyane. Oui, d'accord, la baleine franche nord-atlantique, il y a 400 individus en voie d'extinction. Le vaquita, on a perdu une espèce de dauphin de Chine. Mais concernant les baleines à bosse, justement, je crois que globalement l'espèce va bien, et puis après on a des points particuliers où ça va moins bien, où on a des populations à part. Et qu'il faut, sur lesquels il faut travailler. Typiquement en mer de Bering, par exemple, en Russie. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous parler des baleines tout au long de cette heure. Merci. Jean-Luc Jung, merci Olivier Adam. Je rappelle que vous avez co-dirigé avec Dorian Cazot l'ouvrage Cétacés, nouvelles connaissances issues de la recherche française, cette édition d'IRAC. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Sarah Hégement, Sav Etienne, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Némine Aguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. La suite de vos aventures, comme tous les lundis, c'est une nouvelle et une dernière semaine de LSD avant la grille d'été. LSD, la série documentaire consacrée toute cette semaine au génie des bébés par Nejma Bouakra et Franck Lilin. Tout à l'heure à 18h20, du grain à moudre se demandera si nous sommes addicts aux addictions. Voilà, c'est la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités aux alentours de 18h20 après le journal de 18h. Et pour ce qui nous concerne, je vous dis, vous promets une dernière semaine fantastique de feu. Demain, on vous livre l'espace sur un plateau au fond de votre jardin ou sur votre terrasse. On vous dit tout sur l'astronomie amateur pour passer un été la tête dans les étoiles. C'est demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.